Henry Miller, écrivain américain né en 1891, découvre un peu par hasard, à l'occasion d'une invitation provenant d'un de ses plus fidèles amis, Laurence Durel, la Grèce, la Crète, la mer Égée, Mycène, Épidaure. Il y découvre aussi un peuple et de nombreux personnages hauts en couleur, d'une humanité qui le bouleverse autant que la nature et la beauté des sites archéologiques qu'il découvre. Il nous en fait part dans une chronique simple, directe, intensément intime et généreuse. Le Colosse de Maroussi d'Henry Miller, extrait. Troisième émission. Sepheriades, Poros. Plusieurs fois, alors que je suivais la voie sacrée de Daphni à la mer, j'ai frôlé la folie. Il m'est arrivé, vraiment, de me mettre à escalader en courant le flanc de la colline pour m'arrêter à mi-chemin, paralysé de terreur, et me demander quel démon me possédait. D'un côté, tout est pierre et arbuste, se détachant nettement, comme vu au microscope. De l'autre côté, arbres, pareils à ceux des estampes japonaises, inondés de lumière, ivres, cori fantastiques, et que les dieux durent planter dans un moment de sublime ivresse. On ne devrait pas rouler en voiture sur la voie sacrée comme sur une autostrade. C'est un sacrilège. On devrait marcher. Marcher comme allaient les hommes d'antan et abandonner l'être entier à ce bain de lumière. On ne foule pas ici l'un des grands chemins de la chrétienté. Cette route, ce sont des pieds païens cheminant pieusement vers les initiations d'Éleusis qui l'ont tracée. Cette grande artère processionnelle, qu'a-t-elle à voir avec la souffrance, le martyre, les flagellations de la chair? Tout ici, aujourd'hui comme il y a bien des siècles, chante l'illumination, la joyeuse, l'aveuglante illumination. La lumière y acquiert une qualité de transcendance. Ce n'est pas seulement la lumière méditerranéenne, c'est quelque chose de plus, d'insondable, de sacré. Ici, la lumière pénètre droit jusqu'à l'âme, ouvre portes et fenêtres du cœur, dénude l'homme, l'expose, l'isole dans une félicité métaphysique où tout s'éclaire sans qu'il soit besoin de la connaissance. L'analyse s'arrête net dans cette lumière. Ici, la névrose n'a pas le choix. Ou guérir dans l'instant, ou se précipiter dans la démence. Les rochers mêmes sont fous à lier. Voilà des siècles qu'ils gisent, exposés à cette illumination divine. Ils sont là, parfaitement immobiles et muets, nichés parmi la danse bariolée des arbustes, sur un sol maculé de sang, mais fous à lier, dis-je, et les toucher, c'est courir le risque de lâcher prise sur tout ce qui, jusqu'alors, avait l'air ferme, solide, inébranlable. Il faut se faufiler dans cette gorge étroite avec d'infinies précautions. Nu, seul, débarrassé du christianisme et de toutes ses inepties, il faut jeter aux orties 2000 ans d'ignorance et de superstition, de vie de cloporte enfouie sous une morbidité malsaine et souterraine. Quand on vient à Éleusis, ce doit être dépouillé des bernacles accumulés par l'être depuis des siècles dans son cimetière d'eau stagnante. À Éleusis, on se rend compte, à défaut d'en avoir eu conscience plus tôt, qu'il n'y a pas de salut dans l'adaptation à un monde de démence. À Éleusis, c'est au cosmos que l'on s'adapte. Extérieurement, Éleusis peut avoir l'air d'un vieux débris tombant en miettes avec le passé. En fait, Éleusis demeure intact. Les vieux débris, la dispersion, l'émiettement, la poussière, c'est nous. Éleusis vit, d'une vie éternelle, au milieu d'un monde qui agonise. L'homme qui a saisi cet esprit d'éternité omniprésent en Grèce, l'homme qui l'a fixé dans ses poèmes, c'est Georges Séfériadès, dont le pseudonyme littéraire est Séféris. Je ne connais son œuvre qu'en traduction, mais ne lui sais-je même jamais lu. Je dirais que c'est lui, et lui seul, que le destin a marqué pour transmettre la flamme. Séfériadès est le plus asiatique des Grecs que j'ai rencontrés. Il est originaire de Smyrne, mais il a vécu longtemps à l'étranger. Il est langoureux, suave, plein de vitalité, d'une force et d'une agilité capables d'exploits surprenants. Il est l'arbitre et le réconciliateur des écoles de pensée et des modes de vie antagonistes. Il pose d'innombrables questions dans une langue polyglotte, s'intéresse à toutes les formes d'expression culturelle et cherche à abstraire et à assimiler ce qu'on trouve d'authenticité féconde dans toutes les époques. Il est passionné de son pays, de son peuple, non par chauvinisme étroit, mais du fait d'une découverte patiente, faisant suite à des années d'absence à l'étranger. Cette passion pour son pays est l'un des traits spécifiques de l'intellectuel grec qui a vécu hors de sa patrie. Il est d'autres peuples où je l'ai trouvé désagréable. Chez le grec, elle me paraît justifiable, et non seulement cela, mais émouvante en diable, vivifiante. Je me rappelle être allé un après-midi, avec Séfériadès, visiter un lopin de terre où il envisageait de se faire peut-être construire une petite villa. L'endroit n'avait rien d'extraordinaire. Il était même plutôt miteux et abandonné, dirais-je. Ou mieux, il paraissait tel à première vue. Je n'eus pas la moindre chance de confirmer cette première et fugitive impression. L'endroit se métamorphosait sous mes yeux, pendant que Séfériadès, pareil à une méduse électrisée, m'entraînait de place en place, improvisant une rhapsodie délirante sur tout. Herbes, fleurs, buissons, rocs, argiles, pentes, déclivités, criques, bras de mer et le reste. Tout ce qu'il regardait était grec, à un point qui lui était resté inconnu tout le temps qu'il n'avait pas quitté son pays. Contemplant un promontoire, il était capable d'y lire l'histoire des Mèdes, des Perses, des Doriens, des Crétois, des Atlantes. Il pouvait y lire aussi bien des fragments du poème qu'il écrivait dans sa tête en rentrant, tout en me harcelant de questions sur le Nouveau Monde. Il était attiré par le caractère d'oracle sibyllin de tout ce qui lui tombait sous les yeux. Il avait le don de projeter sa vision dans l'avenir comme dans le passé, de faire tourner sur lui-même l'objet de sa contemplation afin d'en mettre en évidence les multiples aspects. Quand il parlait d'une personne, d'une chose, d'une expérience, il les caressait de la langue. Parfois, il me donnait l'impression d'un sanglier qui aurait brisé ses défenses en furieux assaut d'amour et d'extase. Il y avait dans sa voix quelque chose de meurtri, comme si l'objet de son amour, sa Grèce bien-aimée, en avait, gauchement et sans le savoir, mutilé les notes aiguës et le ululement. L'oiseau chanteur, l'asiatique aux inflexions de miel, s'était vu terrassé plus d'une fois par une foudre inattendue. Ses poèmes ressemblaient de plus en plus à des gemmes, d'une densité, d'une économie, d'un scintillement révélateur sans cesse accru. Sa flexibilité naturelle répondait aux lois cosmiques d'un monde courbe et fini. Il avait cessé de jaillir dans tous les sens. Ses vers imitaient le mouvement d'encerclement de l'étreinte. Le poète universel commençait à mûrir en lui, à force de s'enraciner passionnément dans le sol de son peuple. Partout où il y a de la vie dans l'art grec, aujourd'hui, cette vie a pour fondement le fameux geste d'Anté. Cette passion qui se transmet du cœur aux pieds et crée les racines puissantes grâce auxquelles le corps se transforme en arbre d'une formidable beauté. Une autre preuve physique de cette transmutation culturelle, c'est l'œuvre immense de remise en valeur qui est en cours d'un bout à l'autre du pays. Les Turcs, dans leur fureur dévastatrice, avaient fait de la Grèce un désert et un cimetière. Depuis leur émancipation, les Grecs ont lutté pour reboiser la terre. La chèvre est désormais l'ennemi national. Comme le Turc jadis, elle sera délogée, le temps venu. Elle est le symbole de la pauvreté et de l'impuissance. Des arbres, encore des arbres, tel est le mot d'ordre. L'arbre signifie l'eau, le fourrage, le bétail, les récoltes. L'arbre, c'est l'ombre, les loisirs, les chansons, les poètes, les peintres, les législateurs, les visionnaires. La Grèce est aujourd'hui, si maigre et si pelée soit-elle comme un loup, le seul paradis de l'Europe. Ce qu'elle sera, quand elle aura recouvré ses antiques frondaisons, dépasse l'imagination de l'homme actuel. Tout sera possible le jour où flamboiera d'une vie nouvelle ce foyer lumineux. Une Grèce revigorée pourrait très bien changer les destinées entières de l'Europe. La Grèce n'a que faire des archéologues. Elle a besoin d'arboriculteurs. Une Grèce verdoyante pourrait rendre l'espoir à un monde qu'achève aujourd'hui de ronger le pourridier. Mes vrais entretiens avec ces Phériades commencèrent sous l'altière véranda d'Amarousion, lorsque, me prenant par le bras, il me força à faire les 100 pas avec lui dans le crépuscule qui tombait. Chaque fois que je l'ai rencontré, il est venu à moi de tout son être, m'en enveloppant les épaules de chaleur et de tendresse. Si je lui rendais visite dans ses quartiers, il en allait de même. Il ouvrait toutes les portes, toutes les fenêtres qui menaient à son cœur. D'ordinaire, il mettait son chapeau et m'accompagnait jusqu'à l'hôtel. Ce n'était pas seulement une politesse, c'était un acte d'amitié, une démonstration de la fidélité de son affection. C'est là une vertu rare parmi les hommes aujourd'hui, et pour laquelle je ne suis pas prêt d'oublier ces Phériades, ni aucun de mes amis grecs. De même que je n'oublierai pas de sitôt sa sœur Jeanne, ni les autres femmes grecques que j'ai rencontrées, pour ce qu'il y avait de royal en elles, autre vertu que l'on ne rencontre presque jamais chez la femme moderne. Tout comme la chaude amitié que l'on trouve chez les hommes, cette vertu, que toutes les femmes grecques partagent à des degrés divers, est le pendant, ou dirais-je, la qualité humaine correspondante qui va de pair avec la nature divine de la lumière. Il faudrait être un crapaud, un escargot ou une limace pour rester insensible à ce rayonnement du cœur humain autant que des cieux. Où que l'on aille en Grèce, les gens s'ouvrent comme des fleurs. Les cyniques diront que c'est parce que la Grèce est un petit pays, parce que les Grecs sont avides de capter les visiteurs, etc. Je n'en crois rien. Je connais d'autres petits pays qui m'ont laissé l'impression exactement contraire. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit, la Grèce n'est pas un petit pays. Elle est d'une formidable immensité. Aucun pays que j'ai visité ne m'a donné pareil sentiment de grandeur. La dimension d'un pays ne se mesure pas forcément en kilomètres. D'une façon qui dépasse la compréhension de mes compatriotes, la Grèce est infiniment plus vaste que les États-Unis. Elle avalerait sans peine les États-Unis et l'Europe réunies. Elle est un peu comme la Chine ou l'Inde, un monde d'illusions. Et le grec même est partout, comme le chinois. Ce qu'il y a de grec en lui ne s'émousse pas aux voyages incessants. Il n'éclabousse pas tout le décor de parcelles de lui-même, comme l'américain, par exemple. Quand le grec s'en va d'un endroit, il laisse un vide. L'américain laisse derrière lui une jonchée de détritus, lacets de souliers, boutons de colle, lames de rasoir, bidons d'essence, pots de vaseline et tout. Les coulisses chinois, j'ai déjà dit cela aussi quelque part, se nourrissent effectivement des eaux grasses et des restes que les américains balancent par-dessus bord aux escales. Le pauvre grec se balade parmi les restes laissés pour compte par les riches visiteurs venus des quatre coins du monde. En véritable internationaliste qu'il est, il ne dédaigne rien de ce qui est fait par la main de l'homme, pas même les vieux raffiaux percés dont ne veut plus la marine marchande britannique. Vouloir lui infuser le sens de l'orgueil national et l'inciter au chauvinisme en matière d'industrie nationale, de pêcherie et le reste paraît être pure absurdité. Pour un homme qui a le cœur plein de lumière, peu importe de savoir de qui il tient les vêtements qu'il habille ou s'ils sont du dernier cri ou de la mode d'avant-guerre. J'ai vu des Grecs se trimballer dans l'accoutrement le plus grotesque et le plus abominable qu'on puisse imaginer. Chapeau de paille 1900, gilet en feutre de billard à boutons de nacre, vieil ulster anglais ramassé dans la poubelle, salopette délavée, parapluie défoncée, cilice, pieds nus, cheveux nattés et tressés. Déguisement qu'un cafre même dédaignerait. Et pourtant, je le dis sincèrement et délibérément, j'aimerais mille fois mieux être ce pauvre Grec qu'un de nos millionnaires américains. Je me rappelle le vieux gardien de l'antique citadelle de Nauplie. Il avait fait 20 ans de prison dans ce même lieu pour meurtre. C'est l'un des êtres les plus aristocratiques que j'ai jamais rencontrés. Son visage était à proprement parler radieux, La pitance dont il essayait de se contenter pour vivre n'aurait pas suffi à un chien. Il était vêtu de loques. Pour lui, l'avenir était bouché. Il nous montra un minuscule carré de terre qu'il avait défriché près du rempart et où il espérait faire pousser, l'année d'après, quelques épis de maïs. Si le gouvernement consentait à lui donner environ 3 cents de plus par jour, il pensait arriver de justesse à joindre les deux bouts. Il nous pria, si nous avions un peu d'influence, de dire un mot en haut lieu en sa faveur. Il n'avait pas d'amertume. Il n'était pas triste ni morbide. Il avait tué un homme dans un coup de colère et il avait payé ce geste de 20 ans de tôle. Il se disait prêt à recommencer si la même situation se présentait. Il n'avait pas de remords, pas de sentiment de culpabilité. Il était étonnant, ce vieux type, solide comme un chêne, gai, cordial, insouciant. 3 cents de plus par jour, pas 4, et ce serait du gâteau. Voilà tout ce qui lui tenait à cœur. Je l'envie. Si j'avais le choix entre le poste de président d'un trust de pneus en Amérique et celui de gardien de prison à la vieille citadelle de Nopli, je préférerais le second, même sans les 3 cents de plus. Et j'accepterais les 20 ans de tôle par-dessus le marché. J'aimerais mieux être un assassin à la conscience limpide, en loque, et attendant la récolte de blé de l'an prochain, que le président du consortium industriel le plus prospère d'Amérique. Aucun mania de l'industrie n'a jamais eu sur son visage expression plus bénigne et radieuse que ce pauvre bougre de grec. Évidemment, il y a ce trait qu'on ne doit pas oublier. Mon grec n'avait tué qu'un seul homme, et ce dans une juste colère. L'homme d'affaires américain qui a réussi, lui, assassine des milliers d'innocents, hommes, femmes, enfants, pendant son sommeil, chaque nuit que Dieu fait. En Amérique, personne n'a la conscience pure. Nous faisons tous partie d'un même engrenage, d'une vaste mécanique à assassiner. En Grèce, un meurtrier peut avoir l'air noble, l'air d'un saint, même s'il vit comme un chien. S'il est un rêve que j'aime par-dessus tout, c'est bien celui où je vogue sur terre. L'arrivée de Poros donne l'illusion d'être en plein rêve. Soudain, la terre converge de tous côtés et le bateau se trouve coincé dans une étroite passe qui paraît sans issue. Les gens de Poros, hommes et femmes, sont pendus aux fenêtres, juste au-dessus de vous. On entre droit sous leur nez amical, comme chez le coiffeur quand on se fait tailler la barbe et les cheveux en passant. Les flâneurs sur le quai vont à la même allure que le bateau, plus vite même s'ils leur chantent de presser le pas. L'île tourne sur elle-même, offrant une série de plans cubistes, un plan murs et fenêtres, un autre rochers et chèvres, un troisième arbres et arbustes hérissés et raidis par le vent, et ainsi de suite. Plus loin, où la terre ferme s'incurve comme la lanière d'un fouet, s'étalent les bosquets de citronniers sauvages. Et c'est là qu'au printemps le parfum de la sève et des fleurs rend fous jeunes et vieux. On entre à Poros en titubant et tournoyant comme un doux idiot ballotté parmi mâts et filets, dans un monde que le peintre est seul à connaître et qu'il a fait revivre parce que, quand ce monde lui est apparu pour la première fois, il a été pris, lui aussi, de cette même ivresse, de ce même bonheur insouciant. Cette lente navigation dans les rues de Poros, c'est la joie retrouvée du cheminement dans le col de la matrice. Joie presque trop profonde pour qu'on en garde le souvenir. Sorte d'hébétude voluptueuse d'idiots du village, génératrice de légendes telles que celle de la naissance du Nil, fille d'une nef naufragée. Le bateau, la passe, les murs qui tournent sur eux-mêmes, la douce ondulation frémissante sous le ventre du bateau, l'éblouissement de la lumière, la courbe verte et reptilienne du rivage, les barbes des habitants pendant aux fenêtres presque à vous toucher le crâne, sans compter le souffle d'amitié, de sympathie, de serviable sagesse qui palpite dans l'air, tout cela vous enveloppe, vous ravit, tant que vous finissez par exploser comme une étoile à l'apogée de sa plénitude accomplie, tandis que votre cœur projette dans l'espace ses éclats en fusion. C'est à peu près exactement à la même heure du jour, quelques mois plus tard, que j'écris ces pages. Du moins, à en croire la pendule et le calendrier. En vérité, des siècles-lumière se sont écoulés depuis que j'ai passé par cet étroit chenal. Et c'est un événement qui ne se reproduira plus. D'ordinaire, ce genre de pensée m'attristerait. Aujourd'hui, non. J'ai toute raison d'être triste en ce moment. Toutes mes prémonitions de ces 10 dernières années se sont vérifiées. Nous sommes à l'un des moments les plus bas de l'histoire de l'humanité, sans un signe d'espoir à l'horizon. Le monde entier a basculé dans le massacre et le bain de sang versé. Pourtant, je le répète, je ne suis pas triste. Que le monde se le paie, son bain de sang. Moi, je m'accroche à Poros. Des millions d'années peuvent passer. Moi-même, je peux bien revenir et revenir encore sur telle ou telle autre planète, homme, diable ou archange. Et comment, sur quelle planète, et comme quoi, et quand, je m'en moque. Jamais mes pieds ne quitteront ce bateau. Jamais mes yeux ne se fermeront à cette scène. Jamais ne disparaîtront mes amis. Un moment comme celui-là ne meurt pas. Survit aux guerres mondiales. Dépasse en durée la vie de la planète Terre. Si je devais un jour atteindre à cette plénitude de l'être dont parlent les bouddhistes, si je devais un jour avoir le choix entre atteindre au nirvana ou rester en arrière pour veiller sur les hommes à venir et les guider, cela ne m'empêcherait pas de dire « mon choix est déjà fait ». Soit, je reste en arrière. Puissais-je planer comme un génie bienfaisant sur les toits de Poros et, de là-haut, adresser aux voyageurs un regard et un sourire de paix et de joie. Ici, je vois toute une humanité peinée et s'efforcer de franchir le goulot de la bouteille, chercher une sortie vers le monde de la lumière et de la beauté. Puissent-ils, ces malheureux, venir accoster au rivage ? Puissent-ils demeurer et se reposer un temps en paix et, par un jour joyeux, poursuivre le chemin, traverser l'étroit chenal et aller de l'avant, continuer l'affaire de quelques kilomètres jusqu'à Épidaure, siège même de la tranquillité, centre de gravité de l'art de guérir. C'était Le Colosse de Maroussi d'Henry Miller. Extrait. Traduction de Georges Belmont. Texte dit par Olivier Claverie. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistance technique et montage, Nicolas de Pagraf. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Colosse de Maroussi, d'Henri Miller, est édité aux éditions Buchet-Chastel.